can take the field now. Unify us, make us feel proud in the street. J'aurais préféré vous accueillir en vous disant que l'équipe de France a été qualifiée après une excellente victoire face au Ghana pour les demi-finales de cette Coupe du Monde 2010. Elle est une excellente victoire, je sais pas, 4-0, 2 buts de Patrice Evra, doublé de Ribéry, avec 2 passes décisives par exemple de Yann Gourcuff comme on les aime. On aurait aimé ça, mais bon, rien de tout ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va revenir sur les deux derniers quarts de finale de cette Coupe du Monde qui opposaient l'Allemagne à l'Argentine, écrasante victoire de l'Allemagne 4-0 et la toute petite victoire de justesse des Espagnols, assez incroyable, face au Paraguay 1-0, but de David Villa, poteau rentrant d'ailleurs. Et donc tout ça, c'est dans le podcast numéro 15, spécial Coupe du Monde sur footballred.com. Comme d'habitude, comme tous les jours, comme pour tous les podcasts, il y a Baptiste qui est avec nous. Salut Baptiste. Donc Baptiste, si on le rappelle, il qui blogue sur journalsport.wordpress.com. Salut Alain, c'est William, salut à tous. Et aujourd'hui, c'est William de pkfoot.com et Agourgandin sur Twitter qui est avec nous. Salut William et bienvenue dans ce podcast. Salut Albertine, salut Baptiste, bonjour tout le monde. Pour commencer le podcast, parlons de l'Allemagne, tiens, par exemple, incroyable hier face à l'Argentine, 4-0, un doublé de Klose, un but de Müller et un but de Friedrich, qui a pourtant 31 ans, donc une équipe dans laquelle on allie jeunesse et compétition et qui marche fortement depuis le début de la compétition, donc une démonstration des Allemands hier, Baptiste, face à des Argentins quand même nullement inquiétant, presque du début à la fin. Une Allemagne impressionnante qui a bloqué l'Argentine au milieu du terrain et à partir de là a déroulé son jeu. Un beau jeu de foot et face à une Argentine qui a été très très décevante parce qu'aucun jeu en équipe et beaucoup d'individualités qui n'ont pas su inverser la tendance. Et la demi-finale sans Müller va peut-être être le seul point négatif. Donc sur le match Argentine-Allemagne, effectivement, une victoire écrasante des Allemands. Le score peut paraître sévère si on regarde d'un point de vue extérieur, mais sur le match, c'est totalement mérité. L'Allemagne a complètement muselé les Argentins, les a complètement fait déjouer. Bon, faute aussi des Argentins qui n'ont pas su peut-être prendre le match par le bon bout, au niveau tactique, au niveau physique, l'engagement physique. Mais des Allemands qui vraiment sont séduisants dans le jeu, efficaces devant le but, qui ont 2-3 joueurs vraiment de talent. Ils ont laissé aucune chance très clairement aux Argentins et puis surtout qu'ils tombent à chaque fois les gros un par un. Donc ça a été l'Angleterre avant, c'est aujourd'hui l'Argentine et peut-être demain l'Espagne. Donc pour eux la route est toute tracée vers le titre suprême. Ils ont surtout un collectif formidable et une mentalité de jeu qui est de jouer pour l'équipe et pas chacun qui va dans son coin faire ses petites actions perso, etc. Mais est-ce que du côté de l'Argentine, c'est pas peut-être une demi-surprise? Parce que l'Argentine n'avait pas, avant le quart de finale contre l'Allemagne, rencontré de gros, alors que l'Allemagne, si, face à l'Angleterre, même si l'Angleterre n'était pas à son top niveau, etc. Alors est-ce que ça a pas, le fait de pas avoir rencontré de gros a joué beaucoup en défaveur de l'Argentine, et donc à la fin c'est peut-être une demi-surprise parce qu'on disait oui que l'Argentine pouvait faire quelque chose parce que c'était Maradona, etc. Mais au fond il n'y avait absolument pas le collectif pour pouvoir rivaliser avec celui des Allemands. Je pense que c'est quand même une surprise parce que c'est l'Argentine, parce que l'entraîneur c'est Diego Maradona, parce que t'as le ballon d'or dedans, t'as Tevez, t'as que des joueurs, t'as Gabriel Heinze, t'as vraiment des joueurs avec un potentiel énorme, je dirais que la demi-surprise, on pouvait se douter qu'il y aurait eu que l'Argentine aurait eu du mal, mais je m'attendais quand même pas à un 4-0 de l'Allemagne, parce que là c'est vraiment une claque, et je pensais vraiment l'Argentine capable de rivaliser déjà au milieu du terrain et surtout en attaque. J'ai pas l'impression que Lionel Messi a vraiment été marqué, je pense qu'il a surtout été en panne d'inspiration et qu'il était un des rares à essayer de bouger. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de mouvement, pas de jeu et qu'on se repose sur des individualités qui sont encore très jeunes, parce que quand on regarde la liste des 23, le meilleur buteur c'est Lionel Messi qui est avec 13 buts, après il y a Tevez à 11 buts et Maxi Rodriguez à 12 buts, mais c'est pas des gros potentiels, alors que regarde le 23 de l'Allemagne, t'as Klose qui a une cinquantaine de buts, Podolski 40 buts, Schweinsteiger qui a une vingtaine, donc c'est des mecs qui sont importants parce que c'est des gros joueurs qui sont connus, qui ont déjà un passé en sélection. Tu peux pas amener une équipe très jeune et en manque d'expérience en demi-finale de la Coupe du Monde, et encore heureux, parce que sinon, ça serait un peu la Coupe de France qu'on aurait vue en Coupe du Monde. Donc, non. Après, la surprise, je pense quand même que ça restera une des grosses surprises de cette Coupe du Monde. Donc, les Argentins n'ont vraiment pas su bousculer, en fait, cette défense allemande d'hier, qui a été d'une qualité assez rare et assez exceptionnelle, quand même. Moi, j'ai notamment été impressionné par la performance du jeune Boateng. On le rappelle, son demi-frère joue dans l'équipe du Ghana. Même si j'ai bien aimé toute l'équipe, etc., j'ai été impressionné par ce jeune défenseur. Boateng a fait un gros match, mais un peu comme tous ses coéquipiers. Hein. C'était vraiment une des forces de l'Allemagne, c'est d'avoir des joueurs qui sont au top niveau pour chaque match. C'est le cas de Boateng, qui a bien gelé le Messi, qui a fait un super match. C'est le cas de Ozil, le petit Ozil jeune, qui fait une passe merveilleuse sur le 4e but. C'est le cas de Schweinsteiger, qui a été vraiment monstrueux. Je veux dire, chaque joueur a vraiment été, n'est pas passé à travers ce qu'on a peut-être vu du côté d'Argentine, avec des passages à vide de Lionel Messi, par exemple, qui n'a pas eu le rendement qu'on espérait. Maxi Rodriguez qui était complètement absent. Ne parlons pas de Gonzalo Higuain qui est complètement transparent dans le jeu argentin. D'ailleurs, je pense que son triplé a complètement faussé la donne pour Argentine. Son triplé qu'il a réussi lors des phases de poule contre la Corée du Sud. Je pense que ça a été un gros moins pour la formation argentine parce que ça cachait un petit peu le déficit qu'ils avaient dans le jeu. Mais c'est vrai que si on prend que Boateng, oui, il a fait un très gros match, mais on peut prendre chaque joueur de la Marine et on s'apercevra qu'ils ont tous fait un gros match. Ouais, en fait, ils ont tous élevé leur niveau parce qu'ils avaient un quart de finale à jouer. Ils savaient qu'ils avaient donc une place en demi à aller chercher. L'Allemagne, donc 4-1 contre l'Angleterre, 4-0 contre l'Argentine. C'est une équipe vraiment impressionnante qui est en plus, comme tu le disais, William, composée de gros leaders qui ont en gros passé en sélection, mais aussi de jeunes. Et c'est ce qui amène aussi un jeu stable, mais en même temps un jeu rapide et qui permet notamment, je pense, ses nombreux buts. C'est d'ailleurs la meilleure étape. Et comme tu disais, il y a Müller, il y a Ozil, il y a toute une génération née en 88. En France, on a la génération 87 avec Benzema, etc. En Allemagne, c'est la génération 88, donc avec Ozil, Müller, le jeune Khedira, aussi Boateng. C'est une génération impressionnante. 87, 88, 89. Ouais. C'est plus sur 3 ans, mais oui, c'est du gros potentiel. Mais est-ce que vous pensez justement que l'Allemagne est pour l'instant beaucoup de jeunes dans son équipe, ne pourra jamais aller en cette défaveur? Non, moi je crois pas. Moi je crois que déjà l'Argentine, c'est un gros test pour eux, parce qu'il y a quand même des joueurs notamment expérimentés en Argentine, et je crois qu'ils ont bien tenu le coup. Oui, ils ont bien montré leur valeur. Et puis, on n'est pas un seul match où ils font une grosse performance. Je veux dire, depuis le début, l'Allemagne a été la seule équipe à vraiment proposer du jeu, marquer des buts, être présent, gagner contre des grosses nations. Moi, je pense qu'ils ont vraiment tout pour réussir et pour combattre la Coupe du Monde. Pour moi, il n'y a aucune faille dans le jeu allemand pour l'instant, parce qu'ils ont montré. Après, il suffit qu'ils aient une blessure ou un joueur qui sort de forme pendant le match, et peut-être que là, ça va changer la donne. Mais pour l'instant, moi, je les vois vraiment très forts. Le seul défaut, c'est peut-être de justement faire tellement de jeux qu'ils se donnent et qu'ils arrivent à fatiguer le 11 juillet. Bon, on a vu que Müller, il avait des crampes à la fin du match, donc oui, on peut peut-être penser ça, mais je... Les Pays-Bas, de l'autre côté, ils ont l'air de jouer un peu à l'économie, quoi. Ouais, c'est beaucoup plus dire. C'est vrai que c'est la seule équipe qui va arriver en marchant à la finale, quoi. Mais oui, non. Moi, je pense que vraiment sur des compétitions, enfin avec des calendriers très très rapprochés, comme ça, des matchs tous les 3 jours, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va les motiver. Ils sont en demi-finale. Je pense pas que la fatigue entre en jeu à ce niveau-là. Ça sera plus une question de motivation, plus une question de mental. Mais je pense qu'en voyant le jeu proposé et en voyant la cohésion qu'il y a dans le groupe allemand, aller voir se congratuler à la fin du match, faire le tour d'honneur, s'enlacer avec le sélectionneur, je veux dire, à ce niveau-là, je pense qu'ils sont assez motivés pour aller jusqu'au bout sans vraiment ressentir. Malgré tout, lors du match face à l'Espagne, l'Allemagne va devoir faire sans Thomas Müller, le joueur du Bayern Munich. Thomas Müller qui était quand même double buteur face à l'Angleterre, buteur encore face à l'Argentine, ça peut être quand même un gros problème d'être dispensé de ce joueur. Ouais, c'est pour moi le gros problème. Il va être remplacé sûrement par Trochowski, qui était celui qui le remplaçait quand il devait sortir en cours de match. Et Trochowski, c'est pas du tout le même type de joueur, déjà bien plus vieux et le gabarit nettement moins imposant. C'est que 2 buts en plus avec la sélection. Troisième, il en est déjà à 3 alors. Il a 4 fois moins de sélection, donc c'est pas du tout le même rendement. De toute façon, voilà, ils sont privés un peu de leur homme à jouer en attaque. Mais il y a Klose qui sera là. Parce que contre la Serbie, ils ont eu du mal en deuxième période parce que Klose n'était pas là. Contre le Ghana, ça s'est senti aussi l'absence de Klose. Je pense que Klose aussi joue un rôle fondamental en attaque. Ozil devra être bon parce que je l'ai trouvé vraiment absent hier. Juste sur, il fait un centre pour closer sur le quatrième but, mais sinon il n'est pas là. Il a l'air fatigué, il n'a pas l'air dans le rythme du match, alors qu'on l'a déjà vu faire son premier match contre l'Australie avait été superbe. Donc s'il se met vraiment dans les conditions, lui pourra être aussi décisif. Après, il y a quand même une défense qui est très, très bonne parce qu'elle ne prend pas beaucoup de buts. Et un milieu avec Khedira que j'ai trouvé vraiment impressionnant et qui remplace sans problème Balak. Et quant à Khedira, Schweinsteiger, c'est quand même de la très bonne qualité. Ouais, c'est vrai. Tu as raison. Et c'est vrai que l'absence de Thomas Müller va beaucoup se faire ressentir dans le jeu parce qu'il est quand même à l'origine de la quasi-totalité des buts allemands. Et c'est vrai que c'est lui qui apporte toujours cette petite touche technique, un petit peu désinvolte, un petit peu lasse, on dirait un peu comme un Zinedine Zidane. Je fais pas la comparaison, mais au niveau du style de jeu, un petit peu, j'ai l'impression en retard, et finalement il est toujours en avance sur tout le monde et une justesse technique énorme. Donc c'est vrai que ça peut être un gros manque pour la Mannschaft. Donc la deuxième demi-finale de cette Coupe du Monde 2010 se jouera, si je ne fais pas de bêtises, mercredi prochain. Donc s'il y a 2-3 jours de base, vous deviez comme ça émettre un pronostic sur donc le deuxième finaliste de cette Coupe du Monde 2010. Choc qui d'ailleurs opposera peut-être les deux meilleurs joueurs pour l'instant de cette Coupe du Monde avec David Villa et Thomas Müller. J'espère que ce sera l'Allemagne qui va passer, parce que si l'Espagne nous offre encore le jeu qu'on a vu pour l'instant, ça sera la victoire de l'équipe la moins belle à avoir joué, parce que l'Espagne, à part Villa, je n'ai pas envie d'être trop méchant, mais je vois personne. Donc j'espère vraiment que l'Allemagne va passer pour une question de jeu, parce que même si l'Espagne se réveille, moi j'y crois pas trop. Voilà. Moi j'aime pas du tout l'Espagne, parce qu'en plus on a l'impression que les joueurs sont un peu suffisants, ils sont là, ils sont contents d'être là, et puis ils passent avec 1-0, et ils pensent que voilà, c'est bon, ils iront en finale. Ils jouent vers l'arrière constamment. Ça commence vraiment à être chiant, il faut le dire. Hein. Hier soir, c'était vraiment les matchs les plus emmerdants des quarts de finale, voire le plus emmerdant. Donc j'espère que l'Allemagne va passer, mais l'absence de Müller va peut-être être décisive. Oui, je suis plus ou moins d'accord avec ça. C'est vrai que moi, Müller sera absent, donc forcément Villa va plus se montrer. Peut se montrer à son avantage, mais il y a quand même des joueurs d'exception dans chaque équipe, et je pense pas que ce soit vraiment un duel entre deux joueurs en particulier. Mais au niveau du collectif, je vois plus l'Allemagne prendre le dessus sur l'équipe espagnole, ouais. Parce que de par sa créativité et son envie de jouer, je pense qu'il y a un moment où on a envie de voir une équipe vraiment jouer le jeu, et c'est ce que l'Allemagne a fait depuis le début, et j'aimerais tout simplement que ce soit récompensé. Exactement, William. Comme tu dis, ce serait une belle récompense quand même pour une équipe qui sera quasiment jamais tombée. Bon, par un petit peu bas contre la Serbie. Mais pour revenir un peu à l'équipe espagnole, comme le disait Baptiste, c'est une équipe vraiment en peine à retrouver le niveau incroyable qu'elle avait à l'Euro 2008, qui est une équipe qui fait que des jeux de passe, qui accélère peu, et quand il souhaite accélérer, il faut passer avant 4 fois par derrière, 4 fois par Casillas, qui n'est pas tout le temps rassurant, même s'il a été quand même meilleur hier que dans ses autres prestations, notamment en arrêtant le penalty. L'Espagne ne m'a toujours pas convaincu depuis le début de cette compétition. Ben voilà, et tu regardes l'Espagne qui tombe contre un outsider et qui a du mal, l'Allemagne tombe contre des grands favoris et écrase le grand favori. Déjà là, il y a une distinction qui est énorme. L'Allemagne en plus a l'impression de s'éclater, on a l'impression vraiment qu'il s'éclate sur le terrain. L'Espagne a l'impression qu'on repose sur Villa, et quand il a marqué, là c'était. Il a quand même fallu 3 poteaux pour qu'il marque, mais au bout c'était génial. C'est dommage, on nous a rendu une équipe qui jouait un football qu'on voyait pas beaucoup. En fait, ce football, on le voit beaucoup chez l'Allemagne. On nous a vendu un football où on jouait à une touche de balle. Si on regarde la JIA, c'était plutôt 5 touches de balle. On a peur de perdre le ballon. On repasse vers l'arrière. On joue un peu comme en hand, où on contourne la surface pendant 10 minutes. C'est vraiment... C'est limite un désastre, parce que je sais pas, ils sont tellement attendus, peut-être qu'ils jouent petit bras, mais il n'y a pas grand chose. Torres est encore une fois pas dedans. Il a essayé hier, il s'arrache. C'est Torres et Van Persie, c'est un peu les deux attaquants de cette Coupe du Monde qui se retrouvent en demi sans avoir été bons. Et David Villa, heureusement qu'il est là, parce que sinon je pense que l'Espagne aurait quitté la Coupe depuis. Et ce qui est énorme, c'est. Et Casillas. Oui, Casillas a arrêté un penalty d'ailleurs hier, alors qu'il était pas mal décrié dans cette compétition. Mais ce qui est incroyable, c'est de se dire que l'équipe d'Espagne est en demi. Alors je crois qu'elle elle a quasiment jamais gagné de match dans cette compétition, avec plus de 2 buts d'écart. Il ne marque quasiment plus aucun but. Enfin là, il gagne 1-0, ce qui était assez inespéré, notamment en plus parce qu'ils ont eu un penalty contre eux. Il y a eu une minute folle entre ces deux équipes à la 60e, où il y a eu deux pénalties, enfin trois tirés, parce que le pénalty de Piqué a dû être retiré et a d'ailleurs été arrêté par le gardien paraguayen. Donc pour moi, si l'équipe d'Espagne va au bout, ce sera un peu un hold-up si on regarde de plus près le jeu qu'ils proposent, en fait, comparé justement au jeu que proposent les Allemands, comme le disait William. Enfin, en même temps, le mérite et le beau jeu dans cette coupe sont pas forcément comment dire au rendez-vous. Hein. Au rendez-vous et même sont pas forcément comment dire la clé pour la suite, parce que tu regardes les Pays-Bas, c'est pas beau. Ils ont peut-être éliminé une des équipes qui proposait un des jeux le plus intéressants. L'Uruguay non plus, hein, c'est pas génial. L'Espagne, on se demande où ils ont mis leur beau jeu qu'on a pu voir pendant les qualifications. Ils se sont baladés. Et puis l'Allemagne, c'est celle qui est au-dessus de tout, alors que la moyenne d'âge est de 24 ans, qu'on a des joueurs qu'on découvre, une génération, tu l'as dit, des générations géniales. Et l'Espagne s'est retrouvée dominée, aurait pu vraiment passer à la trappe. Le Paraguay, si le Paraguay avait été avec un peu plus d'expérience, je pense que cette équipe, comme le Mexique, sera une très très bonne équipe, parce qu'il y a vraiment tous les niveaux des individualités assez intéressantes, et ça joue pas que sur les individualités comme l'Argentine. C'est pareil pour le Chili, hein, toutes ces équipes-là vont être, à mon avis, dans 4 ans assez incroyables, et il va falloir s'inquiéter. J'ai bien aimé l'équipe d'Espagne qui a fini. Fabregas notamment qui est rentré et qui a tout de suite amené pas mal de choses. Puis Casillas, si on retrouve un Casillas étincelant comme franchement il a été très très bon hier, il a sauvé son équipe, je pense, parce que il enlève, il stoppe sur la dernière déjà, et puis il stoppe le dernier tir de Santa Cruz. Donc intéressant. Puis si t'as David Villa qui est en état de grâce comme ça, et même la paire Iniesta Xavi, je l'ai pas trouvé génial. Donc si au milieu du terrain ça reste comme ça, avec un Sergio Busquets qui lui va plutôt à l'intox, enfin c'est pas un beau jeu. Et si l'équipe qui a le meilleur jeu doit gagner, l'Allemagne est déjà championne du monde. Je suis d'accord à l'analyse. On espère tous que l'Allemagne gagnera cette Coupe du Monde par rapport au jeu proposé, ça c'est clair, c'est évident. Et c'est vrai que depuis le début de cette Coupe du Monde, faut le dire, moi je suis le premier à dire, elle est chiante, quoi. Elle est chiante. Les matchs de poule ont été une vraie purge. Il y avait beaucoup de calculs. D'ailleurs, on le voit, dès les huitièmes de finale, l'explosion de buts qu'il y a eu, c'était des matchs à coup de 4-5 buts par match. Et c'est vrai que pour l'instant, on reste sur notre faim, parce que d'une part, bon, avec l'épisode de l'équipe de France, donc au niveau patriotisme, enfin au niveau du cercle supporter français, on est un peu frustré, mais surtout au niveau des grandes nations, que ce soit l'Italie qui a subi le même sort que l'équipe de France, que ce soit au niveau de la CLSAO, qui est plus du tout la CLSAO, mais plutôt une équipe de bas de tableau de Ligue 2, où on voit pas du tout de jeu, ça ne fait plus rêver. L'Espagne paraît qu'il devait arriver en tant que grand favori, finalement, qui passe à travers tous ces matchs. Et finalement, le seul match pour lequel on a vibré, c'était un États-Unis-Slovénie, et c'est tout. Ouais. C'est tout. Donc c'est vrai qu'on est. Enfin, moi, je suis vraiment déçu de cette. Heureusement qu'il y avait la Corée du Nord pour faire élever le nombre de buts marqués, parce que. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai qu'au niveau des favoris, c'était plutôt une sorte de Coupe de la Ligue version internationale, en fait. À part pour l'Allemagne. Pousser, faire le show. Ah, ça vient vraiment ça. Voilà, et finalement retrouver les grosses équipes en demi-finale, mais sans rien montrer, quoi. Par exemple, les Pays-Bas, ils sont arrivés en demi-finale, mais aucun match référence, aucune grosse perf, à part Robben, enfin, à part les grosses individualités, mais on sait déjà que c'est des joueurs extraordinaires. Je veux dire, c'est pas en ballon, on regarde un match, c'est une vraie purge, quoi. Voilà, c'est pas intéressant, et c'était dommage. Donc, déçu du niveau global de cette Coupe du Monde, sauf lors des matchs de l'Allemagne, on est là tous impressionnés par le jeu proposé par la Nationalmannschaft. Le podcast touche à sa fin. Merci beaucoup William. Donc on répète, William qui est blogueur sur PK Foot et aussi trouvable sur Twitter avec le pseudo @gourgandin. Merci beaucoup William pour ta participation et à bientôt. Merci de m'avoir invité. Merci Baptiste, merci Albertine. Demain, donc, nouveau podcast avec Baptiste comme tous les jours. Donc à demain, Baptiste. À demain. Merci à tous d'avoir écouté le podcast. Celebration is around us, every nation all around us. Sing it whenever you come, sing your songs and we beat the sun. Listen to us and we'll never forget it. Together at the end of the day, we all say when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like the waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes back.